prochain morceau est une ode, un hommage à tous les animaux écrasés sur la route. Est-ce qu'il y en a parmi vous?